Numéro 20. Le voyage. 旅行. Voyager. 旅行します. Le départ. 出発. L'arrivée. 到着. La valise. スーツケース Les bagages 荷物 Allons-y 行きましょう L'avion 飛行機 L'aéroport 空港 L'hôtesse de l'air Stewardess. Notre avion décolle à 15 heures. Tokyo は15時に離陸いたします。